إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله عز وجل في محكم تنزيله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير في هذه الآية الكريمة يبين الله مظاهر قدرته سبحانه وتعالى وآثار قوته المشهودة في خلق السماوات والأرض وكذلك في خلق الملائكة العظام الذي خلقهم من نور وجعلهم رسلا في تنفيذ أوامره وتبليغ وحيه وأحكامه يقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وزاد في خلقهم جمالا وقوة أن جعلهم أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ودقة المصنوع تدل على عظمة الصانع والملائكة أيها المسلمون والمسلمات الملائكة آية من آيات الله قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام رواه أبو داود وصححه الألباني وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض لهم مقامات مختلفة كما قال الله عز وجل حكاية عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. En ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'ampleur de sa création, subhanahu wa ta'ala, et il nous montre dans ce verset l'ampleur de sa force sans limite, subhanahu wa ta'ala. Une force dont les cieux et la terre sont une trace et une preuve. Et parmi les preuves de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a bien sûr la création des anges. Ces anges, qu'Allah Azza wa Jalla a créé de lumière, et il a fait de ces anges des envoyés qui appliquent et mettent en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ont pour fonction de transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jal dans Sourate Al-Hajj, le verset 75, Allah choisit parmi les anges des envoyés et de même parmi les gens. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a donné plus de beauté à la création des anges et plus de force en leur donnant à certains deux ailes, à d'autres trois, à d'autres quatre, et Allah Azza wa Jal ajoute dans sa création ce qu'il veut, car il est subhanahu wa ta'ala capable de toutes choses. Et la précision de la création n'est autre qu'une preuve de l'immensité du Créateur. Et sachez que les anges sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, « Il m'a été autorisé de vous parler d'un ange parmi les anges d'Allah qui supporte son trône. Il y a entre le lobe de son oreille et son épaule la distance parcourue en 700 ans. » Et sachez que chaque mouvement qu'il y a dans les cieux et dans la terre, que ce soit les mouvements des différentes planètes, des étoiles, du soleil, de la lune, des nuages, des plantes qui poussent et des animaux, tout ceci, tous ces mouvements, à l'origine, il y a un ange qui s'en occupe. Et il y a un ange qui a pour responsabilité chacun de ces mouvements dans les cieux et dans la terre. Chaque ange a une place connue, a une place qui lui est désignée, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla en parlant des anges, lorsqu'ils ont dit, et il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Ayyuhal muslimun, wa atharu al-imani bil malaika ka athari al-imani jumlah, lahu atharun aqadiyah wa sulukiyah, تقرب العبد من ربه وتشعره بحلاوة الإيمان ولهذا كان الإيمان بالملائكة من البر ودليل التقوى قال الله عز وجل في سورة البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ونطق الحديث الشريف بمشهد عادل من مشاهد عبادتهم تبرز جلالة عملهم قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء أي ثقلت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله وعدد الملائكة لا يحصى فقد أجاب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه رواه البخاري ومسلم وأعلموا أيضا أن الملائكة تصلي على من يحضر وينتظر الصلاة الجماعة يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأيضا يصلون على الصف الأول ويصلون على معلم الناس الخير ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة وصلاة الملائكة لها تأثير في هدايتنا وإخراجنا من ظلمات المعاصي والذنوب قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والصلاة من الملائكة للمؤمنين et à l'istighfar wa ad-du'a lahum tashfa'u al-mala'ikatu fi al-mudhnibin wa min du'a'i wa man da'a li akhihi bi dhahri al-ghayb qala al-malaku al-muwakkal bih amin wa laka bimithl. Et sachez que de croire aux anges, eh bien, ne laisse pas le musulman indifférent La croyance aux anges doit avoir un effet sur le croyant, comme l'effet de la croyance en général. La croyance aux anges doit avoir un effet sur sa croyance, mais aussi sur le comportement du serviteur. Ainsi, de croire aux anges doit faire rapprocher le serviteur de son Seigneur et doit lui faire goûter la douceur de la foi. Ainsi, le fait de croire aux anges fait partie de la bonté et de la piété, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Mais la bonté et la piété, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image et un exemple du dévouement des anges et de leurs adorations. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du Jibou rapporté par At-Tirmidhi dans ses sunan, « Je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Les cieux se sont alourdis, et cela est compréhensible. Il n'y a pas un endroit égal à quatre doigts sans qu'il n'y ait un ange qui pose son front à terre, prosterné devant Allah. » Et le nombre des anges est inconnu. Et Jibril alayhi salam a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a questionné sur Al-Bayt al-Ma'mour, une maison dans les cieux, dans le septième ciel, dans laquelle entrent des anges tous les jours. Et Jibril alayhi salam a répondu, c'est une maison dans laquelle prient chaque jour 70 000 anges. Et lorsqu'ils en sortent, il n'y retourne plus. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et sachez également que les anges prient, c'est-à-dire font l'éloge de celui qui assiste à la prière en groupe et de celui qui attend l'autre prière en disant, c'est-à-dire tant qu'il attend la seconde prière et qu'il ne perd pas ses ablutions, eh bien les anges disent, « Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. » Et les anges font l'éloge de ceux qui prient dans le premier rang. Et les anges font l'éloge de ceux qui enseignent le bien aux gens. Et celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges prient sur lui. Et la prière des anges, c'est-à-dire de faire l'éloge de la personne et de demander à Allah azza wa jal de lui pardonner et de le faire entrer dans sa miséricorde. Eh bien, la prière des anges sur nous a un impact direct dans notre guidée et dans le fait de sortir des ténèbres, des péchés vers la lumière de l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Ahzab, le verset 43, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et la prière d'Allah sur les gens, c'est bien sûr de faire l'éloge de ces personnes dans les cieux. Et l'on verra par la suite le hadith où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il dit à Jibril de l'aimer. Et Jibril ordonne aux habitants des cieux et leur dit, Allah aime un tel, aimez-le vous aussi. Et la prière des anges, c'est aussi la demande de pardon. Et l'intercession des anges envers ceux qui commettent des péchés. Et sachez également que celui qui invoque en faveur de son frère, sans qu'il ne soit au courant, eh bien, un ange lui dit « Amin » et tu auras la même chose. « Thumma a'lamu anna al-malaikata tanzilu bis-sakinati liqira'ati al-Qur'an. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam li Usayd ibn Hudayr, tilka al-malaikatu danat li sawtik, walau qara'ta ay baqita taqra' لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ومن أعمالهم أي من أعمال الملائكة تسجيل أعمال البشر وحفظها قال الله تعالى في سورة قاف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والإنسان بمحضر الكرام من الناس يحتشم في سلوكه ويستحي أن يسيء في قول أو يتبذل في حركة فكيف به في حضرة حفظة من الملائكة الكرام؟ قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا يبين أهمية الأدب مع الملائكة والخجل من اقتراف المعصية، فيكون إيمانه بالملائكة حافزا لعمل الخير وترك الشر وحصنا من الوقوع في المنكر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى وكل بابن آدم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يحفظونه من المضار، يحصنونه من المهلكات، لا يفارقونه بل يرافقونه من بين يديه ومن خلفه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو سورة أو كلب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. رواه البخاري ومسلم. فكيف بالله عليكم، كيف يفرط العاقل في حفظ الملائكة من أجل كلب أو سورة؟ Et sachez que les anges descendent lors de la lecture du Coran. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Usayd ibn Hudayr: c'était des anges qui s'étaient rapprochés grâce à ta voix, et si tu avais continué à lire, les gens se seraient réveillés le matin et auraient vu les anges sans qu'ils ne se cachent d'eux. Et parmi les actes des anges, c'est qu'ils inscrivent et enregistrent les actes des fils d'Adam. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: et quand les deux recueillants, c'est-à-dire les deux anges, assis à droite et à gauche, recueillent, ils ne prononcent pas, c'est-à-dire le fils d'Adam, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et beaucoup de gens ont honte lorsqu'ils sont en présence d'autres personnes. Ils font attention à leur comportement. Ils sont soigneux dans leurs paroles et dans leurs gestes. Que dire alors du comportement que l'on doit avoir en sachant qu'il y a en notre présence, à chaque instant, des anges envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures pures qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui obéit strictement. Comment doit être nos comportements en sachant que de tels anges sont en présence de nous? Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde l'être humain contre l'insouciance et contre le fait de se croire à l'abri des regards lorsque l'on est seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Az-Zukhruf: l'homme a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: pensez-vous que nous n'entendons pas leurs secrets et que nous ne connaissons pas leurs discussions à voix basse? Mais si, nos envoyés sont près de eux en train d'inscrire. Ceci est le comportement que l'on doit avoir envers les anges. Et la croyance aux anges doit pousser le musulman à s'éloigner de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, sa croyance aux anges doit être un obstacle entre lui et les péchés et doit le pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a délégué des anges qui ont pour fonction de protéger l'être humain, de le protéger jour et nuit, de le protéger de ce qui pourrait le faire périr. Ils ne cessent d'être à leur côté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim: des anges se relaient sur vous la nuit comme le jour. Et sachez qu'un ange n'entre pas dans une maison dans laquelle il y a une statue, en une maison dans laquelle il y a des photographies qui représentent des choses qui ont une âme, ou dans une maison où il y a un chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment donc une personne dotée de raison peut sacrifier la protection des anges et la présence des anges dans sa maison à cause d'un chien ou à cause d'une photo? أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، وإن من عظم خلق الله وجلال إبداعه أن الملائكة تتمثل حسب المناسبة، فقد جاء جبريل عليه السلام بصورة بشر سوي إلى مريم عليها السلام يبشرها بغلام زكي هو عيسى بن مريم، وجاء إلى إبراهيم عليه السلام ملائكة في صورة شباب حسان ضيوف وبشروه بغلام، كما قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل كما في حديث جبريل المشهور، وتنزل الملائكة على المؤمنين بالتأييد والنصرة كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه ثمرة الطاعة ونور العبادة، حب في الملأ الأعلى يفيض على الأرض قبولا ومن أهلها حبا، ومن شؤم المعصية غضب في الملأ الأعلى وبغض في الأرض وصدود من الخلق. ولله عز وجل ملائكة سياحون في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته وصلاتهم عليه. ومن الملائكة من وكل بنفخ الأرواح في الأجنحة وكتابة الآجال والأعمال والأرزاق، وإسرافيل صاحب السور ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى فيهلك من في السماوات إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث للحياة بعد الموت. واعلموا أيضا أن للنار خزنة من الملائكة أقوياء أشداء لا يقاومون ولا يغالبون. ومن الملائكة من تقبض الأرواح حين ينقضي أجلها، فقال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذا دليل على أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم أبدا، ويكفيك منها متاع طيب وحلال بين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges qui ont la possibilité de prendre une apparence, de prendre l'apparence humaine. Ainsi Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme beau. Il est venu sous cette apparence chez Maryam, Marie, fils de Imran alayhi salam, pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle allait avoir un enfant pur appelé Al-Masih Isa ibn Maryam. Et également, les anges sont venus chez Ibrahim alayhi salam sous l'apparence de jeune, beau et invité pour lui annoncer également la bonne nouvelle qu'Ibrahim alayhi salam allait avoir un enfant. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, n'était-il pas parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, c'est-à-dire paix, et il leur dit salam, paix, visiteur inconnu. Et vous connaissez tous le hadith populaire de Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine pour lui poser les différentes questions. Et sachez que les anges aident les êtres humains et les croyants. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et lorsque ton Seigneur a révélé aux anges, je suis avec vous, raffermissez les pas de ceux qui ont cru. Et ceci a eu lieu pendant la bataille de Badr. Et également, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur, il appelle Jibril en lui disant, Allah aime un tel, aime-le. Et Jibril alayhi salam appelle les gens des cieux en leur disant, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges, les habitants des cieux l'aiment. Puis, cette personne est acceptée sur terre. Et ceci fait partie des conséquences directes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son obéissance. Celui qui est dans la droiture et qui se conforme totalement à l'islam, eh bien il sera aimé dans les cieux et il sera accepté sur cette terre et les gens l'aimeront. Et parmi les conséquences néfastes du péché, c'est que celui qui est sur les cieux, au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala, est courroucé, et les gens des cieux sont énervés par l'énervement d'Allah, et sur terre, les gens se fuient et s'enfuient de cette personne. Et sachez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a placé sur terre des anges qui parcourent la terre pour rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam les saluts de sa communauté. Et parmi les anges, il y a ceux qui ont pour fonction d'insuffler l'âme dans l'utérus de la femme et d'écrire le temps de vie, les actes et la pourvoyance du fils d'Adam. Et Israfil, l'ange qui a pour fonction de souffler dans la trompe, la première fois qu'il soufflera, eh bien, sera détruit tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Et lors du second souffle, eh bien, seront ressuscités les morts de leur tombe. ثم علموا أن الملائكة تحضر عند صلاتي الفجر والعصر. قال صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فيقولون فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي رواية لسليمان لا قال لا أعلمه إلا قد قال فيه فاغفر لهم يوم الدين. Et sachez que les anges assistent aux prières de l'Fajr et de l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges se réunissent le jour et la nuit. Ils se réunissent lors de la prière de l'Fajr et lors de la prière de l'Asr. Ils se réunissent lors de la prière de l'Fajr. Puis, les anges de la nuit montent et restent les anges de la journée. Et ils se réunissent à la prière de l'Asr et montent les anges de la journée et restent les anges de la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, les questionnera en leur disant, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Il posera cette question à la fois aux anges de la journée et aux anges de la nuit. Et ils diront, nous sommes partis comme quand lorsque nous sommes arrivés, ils priaient et nous les avons laissés en train de prier. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤمنون بالملائكة إيمانا صادقا وإيمانا صحيحا اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم ارزقنا الإيمان اللهم ارزقنا الإيمان ووفقنا للأعمال الصالحة اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين